La victoire dans le sang, alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire dans le sang, alléluia. À l'agneau, la gloire à lui, son nom. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À l'agneau, la gloire à lui, l'honneur. Oh oui, gloire, gloire, gloire, gloire, puissance. Oh oui, gloire, gloire, gloire, gloire, à lui l'honneur, à lui l'honneur. La victoire dans le sang, alléluia. À Jésus, la gloire, à lui l'honneur. À l'agneau, gloire, gloire, gloire, puissance, à l'agneau de Dieu, gloire, gloire, gloire, à lui l'honneur, à lui l'honneur, la victoire dans le sang, alléluia. À Jésus, la gloire, à lui l'honneur. Dieu bienveillant, notre Père Céleste, en toute humilité, nous nous approchons encore de ton trône maintenant pour te parler à nouveau. Tu es Dieu, notre Dieu, le Roi suprême, Dieu incomparable, source de vie et de bonheur pour nos âmes. Véritable source ou puisée. Les choses inépuisables. Auprès de toi, il y a tout. Et tout celui qui est dans les besoins est rassuré et s'approcher de Dieu pour être secouru dans ses besoins. Il est d'ailleurs le souverain sacrificateur qui intercède pour que nous puissions accéder à ces choses qui nous manquent. Tu plaides notre cause à tout instant, là au trône où tu es allé avec ton propre sang, où tu es entré comme précurseur pour nous, nous ayons frayé la voie. La voie est ouverte et quiconque désire peut y arriver. Nous venons pour répondre à ton appel, à ton invitation lancée par l'Évangile quand tu nous as appelé à croire, à recevoir le baptême chrétien, à quitter la vie du péché, à quitter les mauvais amis, nous séparer des païens, des infidèles. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous venons pour te répondre favorablement, car ce n'est pas de notre nature de te résister, de nous opposer à ta pensée. Mais nous avons grandement besoin de Dieu pour réussir ce que nous voulons faire en son nom et devant sa face. Traite avec chacun maintenant. Répand l'onction des services. Répand l'esprit de vérité. Répand le baptême du Saint-Esprit, Seigneur, sur les âmes assoiffées et nécessiteuses qui ont besoin du royaume de Dieu en toute sincérité. Secours-les en profondeur afin qu'elles se mettent à ton service et puissent réussir leurs objectifs. Bénis nos cœurs ce soir ensemble à travers le moment de communion fraternelle et la communion divine avec toi-même. Pardonne nos péchés, Seigneur, toutes nos faiblesses de tout genre. sous le sang de l'agneau immolé. Nous t'appelons sur la scène pour que Seigneur te travaille, accomplisse ton dessein, ton plan de salut pour l'humanité au milieu de nous ici. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de l'Amen, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur ici dans la Sainte Bible. Apocalypse chapitre 3. Nous prenons le verset 21 et 22. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pona molongi, na kopesa enzela, na kuvanda na ngai elongo, na kiti na bokonzi na ngai. Lokola ngai mpe, na longi mpe, na vandi, na tata na ngai elongo, na kiti na bokonzi na ye. Oyo azali na litoi, ayoka yango, ilobi molimo na mangomba. Psalm dans l'Ancien Testament. Na konyumana na kala banzembo. Le psalm 115. Banzembo mukama zomu na mitano. Verset 13. Nzela kotanga zomu na misatu. À 16. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Amen. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Amen. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Bako banga Yahweh. Batomike mpe, batomine na lokola. Yahweh akoyekisa na bino. Bino penza mpe, bana na bino. Bino bopambolama na Yahweh. Ye oyo, asalaki lola mpe, mokili. Lola mpe likolo na lola ezali na Yahweh. Kasi, apesi mokili na bana na bato. Hébreux chapitre 6. Bayebelo mokopo ya motoba. Nous prenons le verset 19. Et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Rosaline et Nike Yangolo Kolalong, dans mon thème. Iko bukana kate, iko tambola kapete, iko ingela kana katikati na isika na bule na sima na elamba, wana Yesu a ingela kilokola moto na liboso mpona biso. Yenganga monene libela kobila molongo na Melchisedeke. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons à chacun de vous bienvenue à la table du Seigneur. Le moment est venu où la parole de Dieu est proclamée et nos cœurs sont attentifs pour communier avec Dieu notre Créateur. Ce soir, au lieu de poursuivre avec la pensée sur la prière de résurrection, donc, je me sens conduit à revenir un peu rasseoir ce qui a été déclaré, mais sous forme de mise au point, dans la prédication d'il y a 48 heures de mercredi dernier. Oyo ilobama ki lokola likolo likolo na oyo ilobama ki na mukolo oyo ya misatu iliki ngonga tuku mambe na kumine na mambe. C'est cette mise au point que nous avons entendu mercredi. Dikambo tolobela ki likolo likolo ya mukolo. Concernant un mensonge qui sillonne dans les assemblées du message. Kotalela kalu kutamoko ezali kopalangana kakati na bitonga na sambo. Plusieurs prédicateurs de falsificateurs sont en train de répandre. Bazali kokoba na kopalangana sambo ya kolobela yango. Et que plusieurs croyants par esprit de séduction acclament. Ce mensonge consiste à dire aux croyants du message de William Branham que nous irons au ciel de Branham. Kolobela, oyo bandimi na sango yete tokokenda na lola oyo ya William Branham. Nous n'irons pas au ciel de Branham. Mais au ciel de Dieu. C'est facile à retenir, non? Nous n'irons pas au ciel de Branham. Mais nous irons au ciel de Dieu. Je voudrais que cela soit clarifié au-dedans de chacun de nous. Vous aurez remarqué que de temps en temps, et même mercredi, l'Esprit est revenu pour insister sur la pureté de la parole et la véracité de la parole que nous entendons et que nous recevons. Na bongo, bomonaki mukolo na musala misato te mulimu ezongelaki na kolobelaka. Nous avons intérêt à recevoir la parole dans sa pureté. Dans son exactitude. Dans son originalité. Sans rien pervertir ni détourner. Il existe, le ciel, et le plus grand du ciel, ce sont les cieux. Il existe la terre, et alors une seule terre. Lorsqu'on parle de terre plurielle, en réalité, il s'agit de portions de cette même terre, de cette unique terre. Ou des parcelles contenues dans cette unique terre. Si chaque parcelle, chaque portion de la terre est considérée comme une entité, comme une terre, identifiée au nom d'une personne, à ce moment-là, l'on parlerait de terre plurielle. Et puis ça met les choses qui n'ont pas de mots, tout ce que l'on a pas, car on a battu les bélés, on a battu les bélés, on a battu les bélés. Dans Genèse 1, au verset 1, c'est connu de tout le monde, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux pluriels et la terre singulière. Au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Dès le départ, le Créateur créa une seule terre. Elle est unique et le seul. Mais dès le départ, au commencement, le Créateur créa plusieurs cieux. Les cieux étaient nombreux, la terre était unique. Et le même Dieu au verset 6, au cours du deuxième jour de la création, le deuxième millénaire de la création, nous lisons qu'il est écrit ceci, verset 6 à verset 8, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Zambe aloba kete tika etando monene ezala kati na mai mpe yango ekabola mai mpe mai. Et Dieu fit l'étendue et lui sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue et cela fut ainsi. Zambe asalaki etando monene mpe akabolaki mai mazalaki na nse na etando na mai mazalaki likolo na etando ezalaki mpe bongo. Dieu appela l'étendue ciel singulier, l'étendue ciel au singulier. Ainsi il y eut un jour, un soir, et lui un matin, ce fut le second jour. Zambe abiangaki etando likolo to lola moko mpe. Voyez, au départ, il a créé le ciel pluriel. C'était au premier jour. Il a créé le ciel et la terre unique. Mais au deuxième jour, Dieu façonna un ciel visible. Un ciel visible que l'homme peut voir. Et ce ciel visible là, Dieu l'étiquette ciel singulier. Zambe abiangi yango tulola moko oyo abingi bongo. Mais quand il a créé plusieurs cieux. Et quel est-il à quel est-il dans l'eau là? Et au deuxième jour, il façonne par sa parole un ciel remarquable, un ciel visible qui était inétendu, séparant les eaux du dessus d'avec les eaux d'en bas. Asi na mokolo ya mibale nzambe ayekokela kende lola moko oyo tukoki komona mpe komama yango boye oyo ekabolaki mayi na likolo mpe mayi ezali na se. Alors le ciel visible était l'un des cieux de Dieu. Yete lola pokomona miso ezali moko na balola. Mais les autres cieux créés par Dieu sont invisibles à l'œil de l'homme. Balola mosusu oyo ekelami na nzambe ezali komonisa matya na miso. Mais Dieu les a créés, la Bible les mentionne. Yete nzambe akela yango Biblia mpe ekolobela. Yele mama Dieu qui a créé les cieux pluriel. Obele nzambe yango moko moko ezali na balola. Il est celui qui a matérialisé un ciel visible. Azali oyo atalisa yete lola moko emonisa. Et dans ce ciel visible, Dieu y a mis un contenu. Kasi na lola oyo ezali komonisa nzambe atie biloko na kati. Descendons, toujours Genèse chapitre 1. Dieu dit au verset 15. Oh là là, non, je prends le verset 14. Verset 14 à 16. Allez, ici. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer des époques, les jours et les années. Zambe alobaki ete tika pole izala na etando na likolo ikabola mwayi mpe butu tika te ezala mpona bilembo mpe bilanga mpona mikolo mpe na mbula pour délimiter le temps mpona kopesa ndelo na ntango. Dieu a mis du contenu dans l'étendue appelé ciel qui était le ciel visible à l'œil humain. Nzambe akie biloko kati na lola oyo etando ezali komonisa mata na miso na bato. Et ceci n'était de repère oyo ezalaki nde bitaleli aucun l'homme qu'il allait façonner devait regarder oyo na yango moto oyo esengeli ete asalama na nzambe qui devait servir de référence yete ezala oyo azali kolala pour partir d'un point vers un autre et appeler ça une période mpona kolonga esika na kokoma na esika mosusu alobete oyo ezali partir d'un point vers un autre et appeler ça jour janga ebandeli moko bolokino na soko boye partir d'un point vers un autre point et appeler ça année. Et l'homme devait regarder au-dessus de lui, dans le ciel visible, regarder ce signe que Dieu placerait pour servir de repère. Yete mutu esengeli ete atala likolo na ye na lola oyo ezali komonisama na miso na ye atala bilembo nzambe atia yango mpo ezalaki nde matana oyo ya kopesa ce point de délimitation c'était les luminaires ete matana oyo ya kotala bilekiseli wana ya que Dieu a placé dans l'étendue du ciel oyo nzambe atiaki kati na etando de même que le ciel ici façonné particulièrement était visible. De même les luminaires devaient être visibles pour que l'homme s'y réfère et délimite le temps. Na bongo telemoko lola oyo asalaki ezali komonisama bobele bongo mpe bingengeseli oyo esengeli ete esunga ye mpona kopesa bandelo na biloko emonisama mpe po esunga ye. Et la deuxième mission assignée au luminaire est au verset 15. Ete mosala ya mibale oyo apesaki na bingengisi wana et qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel. Oui. Pour éclairer la terre qui était unique, et cela fut ainsi. Ceci met une connexion directe entre le ciel visible et la terre unique. Le ciel au-dessus de l'homme, la terre sous les pieds de l'homme. Et c'est comme ça que Dieu disposait l'ordre des choses dans la création au départ. Donc, ces luminaires devaient servir de repères, des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Bingengisi yango esengeli ete ezala lokola bilembo oyo ezali kopesa ndelo na ntango mpe na mikolo mpe na bilanga. C'est ainsi que l'homme quand il a commencé à compter le temps d'après lui on a eu des jours solaires et des mois lunaires. Mpela moko ntango mutu abandi kotanga mikolo mpona kotalela mutu ye moko azalaki na mikolo moko oyo ya moyi mpe oyo ezali kolandelaka sanza. Le mois lunaire compte 28 jours. Tous les 28 jours, la lune apparaît. Tous les 28 jours. Et les jours solaires comptent 24 heures. Un peu plus particulièrement, les jours solaires comptent 12 heures. C'est-à-dire les jours éclairés. C'est 12 heures. Et le Seigneur en a parlé comme cela. Et nous aimons la vérité de la Bible point par point. Que Dieu nous aide à toujours y croire sans jamais dévier. Alors le Seigneur avait dit, le Seigneur Jésus avait dit, n'y a-t-il pas 12 heures à la journée? Dans Jean chapitre 11, verset 9, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour, 12 heures au jour, les jours solaires comptent 12 heures. Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne penche point. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Donc, le soleil doit éclairer la terre. Et l'espace de temps pendant lequel le soleil éclaire la terre, cet espace de temps est appelé jour soleil. La durée de cet espace de temps sous lumière solaire compte 12 heures. Et ces 12 heures peuvent être considérées comme des stades. Ou comme des degrés de progrès du soleil. D'une certaine façon. C'est ainsi que dans la guérison du roi Ézéchias, Dieu lui avait donné un signe solaire. On toujours on savait que le soleil quand il avance, il recule jamais. Mais Dieu qui avait fait cette loi créa une exception, une jurisprudence. Pour donner aux croyants matière à prodige, matière à miracle. Et il lui a donné à ce roi-là un signe que le soleil qui était déjà descendu remontera. Alors dans Esaïe chapitre 38, versets 7 et 8, l'Écriture dit, et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre de degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés vers les degrés où il était descendu. Voilà. Na kubuti sisi makino matambe zomi molili masilinde kukitaka nansi. Na emoni seli nantango na aaza. Bwenye tango ibutu wati kino matambe zomi lokola matambe masili yango kukitaka nansi. Entebula? Bazali wana? Dieu est celui qui a créé les luminaires. Bambe mbe akeli. L'un d'eux s'appelle soleil. Si Dieu l'appelle, le soleil répondra. Quand Dieu lui dira arrête-toi, le soleil s'arrêtera. Quand Dieu dira soleil recule, il obéira. Parce que Dieu est le créateur qui a autorité sur toute créature. Alors si toi tu es dans les besoins, ce qui est ça, tu senga, ne crains rien. Le parle au Créateur. Le bon et il ordonnera aux créatures. Pas ce que c'est de sa volonté. Pour ton bien. Pour ton bien. En ta faveur. Parce qu'on l'a lu dans le psaume 115. L'Éternel multipliera ses faveurs. Il a fait la promesse, il est fidèle à la promesse. Notre Dieu a promis de vous multiplier des faveurs. Peu importe la forme par laquelle il passera, mais je crois qu'il est capable de tenir promesse. Même si cela demandera aux créatures de reculer. Ici dans Ésaïe 40, encore un rappel, qu'est-ce qu'il est écrit au verset 26-27? Mettez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Hein? Il a mis du contenu dans l'étendue appelé ciel. Maintenant, vous demandez pour les hommes de la terre, levez les yeux en haut, regardez la ciel. Qui a créé tout ce que vous voyez là? La Genèse nous dit que c'est Dieu qui l'a fait. Nous venons de lire là, dans la Bible, dans Genèse 1, comment il a fait ça? Nous avons la réponse, c'est Dieu. Qui fait marcher en ordre leur armée? L'ordre là que nous connaissons, auquel nous sommes habitués. Le matin, le soleil se lève. À midi, le soleil brille fort. Le soir, le soleil se couche. Après un temps, après nuit, le soleil se lève de nouveau. Et c'est un nouveau jour solaire qui commence. Et à midi, le soleil brille la fort. Et le soir, il va se coucher. Après une période de temps, après nuit, le soleil va se lever de nouveau. Et cet ordre-là, qui le fait respecter? C'est Dieu le Créateur. Dieu, votre Dieu. Dieu qui nous a appelés au service. Dieu auquel vous avez cru. Dieu que vous priez matin, midi, soir et soir. Dieu que vous invoquez sincèrement. C'est lui qui fait marcher en ordre. Tout le contenu de Dieu-là. Il les appelle toutes par leur nom. Amen. Soleil par son nom, lune par son nom, étoile, chaque étoile par son nom. Il est impossible à l'homme de donner des noms à ces myriades d'étoiles que nous voyons là-bas. Mais Dieu connaît chaque étoile par son nom. Pensez-y, la connaissance de Dieu. Quand est-ce que toi tu atteindras ce niveau? Même les spécialistes d'astronomie ne peuvent pas y arriver. Même si tu prendrais 15 ans à étudier la branche spéciale de l'astronomie, tu n'égaleras jamais la connaissance de Dieu à la matière. Car Dieu est celui qui a fait tout ça, et toi l'homme qui est celui qui cherche, qui fouille en forçant ton cerveau. Imaginez, Dieu connaît tous les humains par leur nom. Ceux qui ont vécu autrefois, qui sont déjà morts, et ceux qui peuplent encore la terre maintenant, tous ces milliards, Dieu les connaît tous par leur nom. Dites-moi, quel est l'anthropologue, celui-là, le spécialiste des sciences humaines ou les sciences sociales qui peut connaître les noms de tous les humains qui sont sur la terre. Dans son petit cerveau. Et c'est lui qui connaît la vie en société de l'homme. L'anthropologie. Citez-moi un. Il peut vous appeler les noms de tous les habitants de la terre. Et parmi nous, les même de ceux qui sont morts autrefois. Souliers, les historiens. Allez, quel est l'historien qui va connaître tous les noms de ceux qui ont vécu? Qui sont les morts là? Qui peut vous les citer sur la liste? Et le premier, le deuxième, le troisième. Déjà, rien que les nations de la terre, dont le nombre ne dépasse pas 200. Les nations qui peuplent la terre ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui maîtrise parfaitement tous leurs noms. Les attribuons chacun à son continent. Hmm? Il Tu dois faire plusieurs exercices de répétition. Même quand tu bloques pour aller passer à l'examen, tu verras que quelques semaines, quelques mois après, une partie va s'enfuir. Oh, combien ta mémoire est si fragile. Achoura, tu peux retenir. Anassi, prenez le pays. En Afrique, prenez le pays. Et puis, en Océanie. En Amérique. En Amérique. Deux, trois mois après, je te pose la même question. Une partie commence à fouiller. Mais Dieu lui n'oublie rien. Le nombre de nations n'atteint pas 100. Mais Dieu les connaît tous, tels que les humains aiment les appeler. Et quand il a amené les animaux chez l'homme, Dieu était attentif pour voir comment l'homme les appellerait. Même les animaux. Et quand Dieu a donné le nom à tous ces animaux, Dieu a retenu. L'homme Adam qui avait donné ce nom est déjà mort il y a des siècles et des millénaires. Mais une science appelée zoologie s'est développée. Il y a des professeurs de zoologie. Mais dont personne ne peut nous citer tous les noms de tous les animaux à la fois. Même quand ils nous en donnent les leçons en classe, c'est par étapes. C'est-à-dire que lui-même, l'enseignant, prend aussi le temps de relire la matière avant de venir l'exposer. Il est lui-même limité comme nous. Oh, ne trouvez pas les professeurs comme si spécial que ça. Ils sont limités comme nous, ce sont des humains. Il peut connaître plus que l'élève. Il ne peut pas connaître que tout comme Dieu. Sa connaissance est toujours inférieure. Maintenant, Dieu connaît l'astronomie. Pour ce que connaissent les astronomes, Dieu connaît et plus que ça. Dieu connaît plus que ce que connaissent les astronomes. Dieu connaît toute l'anthropologie. Dieu connaît toute l'histoire. Ce que connaissent les historiens, Dieu connaît tout et plus que. Dieu connaît la zoologie. Tout ce que connaissent les zoologues, hein, Dieu connaît ça en totalité, il connaît plus que les zoologues. Dieu connaît la géographie. Tout ce que connaissent les géographe, Dieu connaît en totalité, il connaît plus que. Quel est ce Dieu? Il est omniscient. Il est l'unique qui sait tout. Ça vous pousse à l'aimer. Il connaît tout, même ce qui dérange ton corps. Non seulement ton identité, ton histoire, ton présent et ton futur, même ce qui te dérange actuellement. Chers amis, la connaissance de Dieu est inégalable. Aucun prophète ne peut prétendre connaître comme Dieu connaît. D'ailleurs, ils ont besoin que Dieu se révèle pour qu'ils puissent connaître. Dites-moi par exemple, frère Branham a exercé un grand don de discernement. Dans la ligne de prière, il pouvait dire à quelqu'un son nom, d'où il vient et tout. Dites-moi, si en dehors des moments de prière, vous allez questionner frère Branham, pendant tout votre ministère, quels sont les noms de personnes que vous avez citées par leur nom, identifiées par leur nom? Pouvez-il répondre? Ce qui était le cabo dans un bambou et sa mère en balamoko bandi à pourquoi le salam comme on a une chica ou tina et le coso comme vous savez quoi les alliés à l'ibonde à ce qui canano à kendana andak ou la délai ou tuna et le cobranam le coco comme ça n'a pas comme moi à batignon soyo yo yo banda qui n'est pas le bambou et bien je n'en sais rien. D'ailleurs, au moment où ça s'exerce là où vous me voyez citer le nom des gens, moi-même je ne sais même pas ce que j'ai dit. Il y a l'ange qui prend le contrôle, qui se met à utiliser ma bouche, et je lui prête mon corps. Il parle, quand il finit, je ne sais même pas ce qu'il a dit à la personne. Alors, lui, l'homme, ça ne sert à rien. Alors bien, ce que mon ingaï était, comme on a dit, c'est seulement quand on a dit, naye bakananga te eloko moko te zali bobele moi jelou azungai ngai na gosisilie nzoto na ngai abandi koloba na nzela na ngai soki alobi makao ata maloba ngo ezali kobimwana ngai nayebi na ngai ata alobi kombo nini te alobi eloko nini na mutu naye bakango te. Même si c'est dans l'exercice qui s'est rattrapé dans les enregistrements. Pour commencer à recopier tous les noms. Ici, telle date, il y a tel endroit, il y a tel, avec tel problème et tout. Va-t-il bloquer ça? Saura-t-il s'en sortir? Mais il n'aura plus le temps de prêcher. Il n'aura plus le temps de méditer pour venir prêcher. Donc, il va se bloquer dans cette histoire et il sera KO. Nabongo soki alo batate lokola tangu mwanje longa za lokola bana batongo kombo na yebi yangote na bongo na kenda nanu kolandela lokola basali kozwa ba mate yango na ba mikaba na baband na bongo na bandande kolandela na yoka ba kombo ngo na banda kokuma na yebi sino ga kozwa na tangu te ya kukanisha na kalo bana nzambe po ya kote pweta kokanga makuna pa kokanga ngo sana mutute l'homme est très limité mutu penza. Et avec ça, William Branham ne peut pas être Dieu. C'est un humain comme nous. Il est notre frère et précieux frère. Un envoyé de Jésus-Christ. Un homme envoyé de la part de Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est la vérité. Et nous aimons la vérité. Dieu, lui, est omniscient. Il connaît tout. Et il appelle toute l'armure qu'il a remplie dans l'étendue appelée ciel visible ici. Il les appelle toutes par leur nom. Allez demander à Branham de citer ça, il ne saura même pas. Parce qu'il n'est pas Dieu. Il va vous dire, demandez à Dieu. Qui fait marcher en ordre les armées, il les appelle toutes par leur nom. Et par son grand pouvoir, et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Botan pour la vie sur la bino l'icolon peu, bon mona. Nani a salaki de l'okonosu. Boyo, a koubimi sake bele, na bango na mutuya. A koubianga ka bango nyonso na kombo. Kona mounene na nguya na ye, pe poete, azali na makasi katu na nguya, mokote, azali kozanga. Et au verset 28, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité. Amen. L'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Yahweh azali nzambe libela. Motongina suka na mokili. Yako senza te. Yako lemba pete. Bososalina e, eyebani suka te. Amen. Amen. Voilà Dieu qui est Dieu depuis l'éternité. Avant que quoi que ce soit ne puisse créer. Il était déjà Dieu. Omniscient, omnipotent, insondable, infatigable, inlassable. C'est ce qu'il est. Mais frère Branham, après quelques discernements, à la chair. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est évanoui. Il perdait connaissance. Oui, de on devait le transporter. De sans qu'il sache où est-ce qu'il se trouvait. De Cobranam, ce qui est à Tiamoulongo, il y a tout le monde. Ce qui était comme il y a tout le monde, je l'ai comme il y a abandonné, il y a tout le monde. Nasuka, il y a tout le monde. A quoi il y a comme il y a calé, mais il y a comme il y a calé, il y a comme il y a. Ça, c'est l'homme. Dieu peut utiliser l'homme, mais l'homme ne devient pas Dieu. Dieu peut l'utiliser littéralement et très puissamment. Il peut le rendre d'une onction supérieure. Mais l'homme reste l'homme, Dieu seul reste Dieu. Au moment où le frère Branham perdait connaissance là, Dieu lui restait Dieu. Il gardait sa mémoire, il gardait sa connaissance, il conservait son intelligence, toujours insondable. Infatigable. Donc, Dieu est incomparable et il est infiniment grand. Zambe, au commencement, il a créé les cieux et la terre. La terre unique, les cieux pluriels, mais au deuxième jour, il a façonné un ciel visible que l'on peut voir. Mais le ciel visible n'est pas le ciel unique. Il y a d'autres cieux que l'œil humain ne voit pas. Mais Dieu, le Créateur, les a façonnés. Et donc, par la révélation, nous savons que le Seigneur Dieu a créé cette dimension des cieux qui sont les sept cieux. Ce sont les dimensions des cieux. Et il les a prises dans sa main, lui-même a mesuré et donné à chacun de ce ciel-là. Il a donné la mesure appropriée. Il est Dieu au-dessus de l'humain. On ne peut sonder son intelligence. Dieu est parfait dans sa manière de faire. Et voyez à quel point, oh, il dit ceci dans Ésaïe 40. Il dit ceci. Verset 22. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Mais là où je vais en venir, il étend les cieux comme une étoffe légère, et les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Oui, il étend les cieux comme une étoffe légère. C'est comme ça que Dieu a étendu les cieux. Telle une étoffe légère. Les cieux pluriels. Il a déployé ça comme une étoffe légère. Et il le déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Lui-même peut entrer dans ce ciel ici, dans l'autre ciel là, dans le premier, le deuxième, dans le troisième, le quatrième, cinquième, comme il veut. C'est lui qui a étendu les cieux et c'est lui qui déploie ça comme une tente pour en faire sa demeure. Son lieu d'habitation. Et il pose la question verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Et pris les dimensions des cieux avec la pomme. Les dimensions de tous les cieux là. Il a pris ça avec sa pomme. Le premier ciel va d'ici jusque-là. Le deuxième d'ici jusque-là. Et à l'aide de sa main. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Toutes les sept dimensions de ça. C'est Dieu qui les a pris à l'aide de la pomme de sa main. Zambe yaboye. Au-delà, ça se dépasse. Mais lui, Il a façonné ce qui est dans le visible ici, il a mis du contenu, et ce qui est dans l'invisible aussi, il en a déterminé les dimensions, les mesures, grâce à sa pomme de main. Yo, vous allez comprendre, vous allez comprendre, mon ami, ça. Nabilo Gonzana Kati, moi, c'est sans appel, Minzoto. Zokande Libanda, oye, et Zanaba, lola, moussousou, oye, moko, a Kati Moulaïna, moumena, nango, non, son, a Sibia, moi, au Béléna, tambou, elle est beaucoup naï. Il a pris ses mesures par la pomme de main. Chers amis, craignons Dieu. Il est tellement grand et supérieur que nous ne pouvons ni l'égaler, ni le concurrencer, ni encore le combattre. Permettez notre soumission et notre adoration. Il a mesuré les eaux dans le creux de sa main. Regardez l'étendue des eaux qui couvrent toute la terre ici. Mais Dieu a mesuré ça dans le creux de sa main. Toi, le grand océan Atlantique. Les longs fleuves Nil. Les longs fleuves Congo. Congo. Si tu dois les parcourir, un jour ne suffira pas. Un avion ou un drone, hein, pour suivre le tracé rapidement. Mais à pied, ça te prendra des semaines et des semaines, des obstacles et des épreuves. Mais l'ensemble des eaux de toute la terre. Lui, Dieu a pris ça dans le creux de sa main. Toute la surface qu'elle occupe, hein, c'est plus petit que la pomme des mains de Dieu. Alors, la main de Dieu a quelle dimension? L'océan Atlantique. Hein? L'océan, c'est pas Arctique ou c'est pas quoi? L'océan Indien. Et tous les grands fleuves, le Nil, le Euphrate, dont on a parlé ici il y a quelques temps. Le grand fleuve, le Euphrate. Le fleuve qui est trouvé à l'Éden là-bas, Idekel. Fleuve Congo, fleuve Nil. Et Congo, Nil. Et prenez les grandes rivières. Prenez les mers. Toutes ces eaux-là, Dieu les met dans le creux de sa main comme ça. Il ne se les met pas les deux mains ensemble. Si quoi le bouc ensemble c'est mon ennemi. Le papillon bata. Ogobiga. Mon cher ami. Souvent, la grandeur de Dieu nous dépasse. Mingi, mon ensemble de quel est la cabisse. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main. Et pris les dimensions des cieux avec la pomme. Et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. Nani a pimé ma yon son attendu na lobo konaye. A pimé mpe, lola na misapinaye misembolami. Zingali poutoumi ya mokilikati na ipimeli. A meki pozitio na ngomba na ipimeli na sani ni balé. Pe yango na ntikye na ipimeli na ibende. Bien aimé. Balingami. C'est du Dieu créateur que Isaïe 40 parle, hein? Le Dieu d'éternité. Il est au centre de l'univers. Il vit dans sa création. Écoutez. Il a pesé les montagnes au crochet. Vous voyez le genre de pèse là que vous accrochez, quoi, hein? Et puis auquel vous suspendez le bébé pour prendre son poids. Dieu prend les montagnes. Il les met au crochet. Comment est-ce possible d'abord? Mais c'est possible parce qu'il l'a fait. Il les met à un crochet et prélève le poids. Si vous interrogez, il connaît le poids de toutes les montagnes. Il y a sur la terre. Rien que les montagnes. Sans compter les vallées et les autres choses. Les montagnes seulement. Leur poids. Dieu connaît le poids exact des montagnes de la terre. Et Nazali kwa tale la tane ti bukenda kana bana mikiwa wana batala Bambu zitu na bambu wana izala kana ilo valati vachena libe lewa Nene nga zamba chaki bangomba nyoso uyu ya mukili mubimba Ayobi pe ndenge nini izali na buzitu Soma tu akoyo misayo bambu zitu ya ngomba na ngombe nyoso Ila pese le colline qui sont les petites montagnes comme les petites montagnes il a posé les collines à part mais à la balance là il a utilisé la balance pour marquer, sur laquelle vous montez la pèse hein? Vous montez comme ça vous regardez les chiffres et Dieu en a aussi vous pesez les collines. Ndambe pesa na ipime lilo kola neti mutamataka po atale ete azana buzituboni Nde azana kape Nde ya mike mike Ete azalima buzituboni C'est ainsi qu'il a pu dire, on l'a lu ici Les habitants de la terre sont comme des sauterelles à ses yeux Pour l'homme là, il est comme ça Il a pesé les collines dans la balance Il a pesé les montagnes au crochet Maintenant toi l'homme, tu pèses combien Na bongo sauterelle Il n'y a rien là vraiment, quel que soit ton poids corporel, au poids lourd, au poids moyen. Il n'y a rien. Il n'y a pas de terre. Il y a une petite sauterelle au cérébral. Vous allez le quoi la lune Quel est le mot comme Il y a comme une petite fourmi. Vous allez le quoi la sénèle au moquet. Mais regardez que c'est la fourmi qui gonfle d'être grand. Exactement l'énigme de la souris naine. La souris naine, c'est cette souris qui est toute petite, mais qui veut donner l'impression aux autres d'être si grande et si importante. Mais elle est chauve, elle est petite, elle est chétive, elle est... Et tout, voilà. Il se donne trop d'importance dans ses illusions, dans ses pensées. Mais il a complètement tort. Parce que c'est une souris naine, elle est toujours petite comme ça. Toi l'homme, tu n'es rien. Nous ne sommes rien, mes amis. Dieu est infiniment grand. Il est notre tout en tout. Et il a déployé les cieux comme une étendue pour en faire sa demeure. Là, ce sont les sept dimensions des cieux que lui a mesuré à un des cieux. Il donne cette mesure, l'autre ça, l'autre un peu comme ça, et tout. Et l'ensemble sept. Toi tu as le maître ruban qui te dépasse des fois en taille si tu es un pygmée. Le maître ruban mesure 1m50 mais la taille du pygmée c'est 1m44. Mais Dieu n'utilise que sa paume de main. Avec ses doigts il mesure tout ce qui est mesurable. Et les mesures prises sont plus petites que sa taille à lui Dieu. Pas étonnant qu'il remplit les cieux et la terre. Dieu, il est ça. Est-ce que nos cœurs le croient vraiment? Oh, il faut le craindre, apprendre à le connaître. Que son nom soit sanctifié. Que son règne vienne dans nos vies, dans nos maisons. Que sa volonté soit faite chaque jour et partout. Nous sommes ici pour lui. Gloire à Dieu. Donc, Dieu a créé les cieux, il y en a plusieurs, et la terre était unique. Et maintenant dans le psaume 115, nous voyons cette autre vérité indiscutable et absolue que nous avons lu pour introduire la prédication ce soir. Nous rappelons encore le verset 14. Le verset 13 à 16. Avec insistance que nous ferons verset 16. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, que tout le monde dise Amen. Les petits et les grands. Tous ceux qui craignent l'Éternel, Dieu les bénira. Craignez Dieu, comme on l'a dit, il y a la bénédiction dedans. Dieu est infiniment grand, il mérite notre soumission, notre confiance. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Une telle promesse, ne veux-tu pas la revendiquer pour toi-même? Ne veux-tu pas la revendiquer pour tes enfants? Oh, moi je le ferai. Il multiplie ses faveurs à moi et à mes enfants. Qu'il le fasse pour vous, mes enfants, dans l'évangile ici. Amen. Que Dieu vous multiplie ses faveurs à lui. Recevez ça. Amen. Je la promesse pour vous. Vous êtes bénéfices. C'est tout un privilège et un avantage. Je ne suis pas ici pour vous maudire. Je ne veux pas entendre l'un de vous est maudit. Mais je revendique la promesse des faveurs de Dieu. Oui et amen, qu'il en soit ici. Soyez bénis par l'Éternel. N'avez-vous pas le droit de le prêcher? Je l'ai écrit dans la Bible pour nous prédicateurs. Je l'ai droit de le proclamer du haut de la chair. Soyez bénis par Dieu. Il y avait les cieux et la terre. Que celui-là vous bénisse. Amen. Celui qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. As-tu le courage pour dire amen? Et te contenter de ce que lui Dieu t'a donné. Amen. Dans Matthieu chapitre 5, le même Dieu qui dévoile cette vérité et qui appartient à l'Éternel seul. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Il dit ceci dans Matthieu chapitre 5, verset 5. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Il n'est pas dit qu'ils hériteront les cieux. Les débonnaires, les humbles de cœur hériteront la terre. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Mais les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de Dieu lui-même. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Êtes-vous là? Oh, il a dit encore ceci. Ici dans Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car non pas les cieux, mais le royaume des cieux est à eux. Amen. Nous avons dit, ce sont des humains, des hommes et femmes terrestres, qui sont pauvres en esprit. Dieu qui a fait les cieux pour lui-même, et qui les a étendus comme une tente pour en faire sa demeure, ce Dieu-là a donné la terre au Fils de l'homme. Et ce Dieu-là promet son royaume à ceux qui sont pauvres en esprit. Le royaume des cieux. Non pas tous les cieux même, mais le royaume des cieux. Voyez-vous la différence? Au temps de la création, quand Dieu a façonné l'homme. Quel était l'objectif du Créateur? Genèse 1:26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Et surtout les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà la juridiction confiée à l'homme. C'est la terre entière. Et cela, pas les cieux. Les cieux sont les cieux des dieux. Ils appartiennent à Dieu. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Et à l'homme lui-même, Dieu a donné la terre. Pas les cieux, mais la terre. C'est le commencement. Et il a créé dans ce but-là. Pas pour autre chose. Dame, alors, il est épica, tous les amis sont les langues, n'abissons. Na edilingi na biso katikate azala na bokonzi na likolo na mbisi na mai pe na likolo na ndeka na likolo pe likolo na nyama nyonso pe likolo na mokili mobimba pe likolo na biloko nyonso bikolandaka mokili. Et alors, après avoir planifié ça, il a exécuté cela. Au verset 27-28, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Zambé pe a pamoli bango. Pe zambé a l'obéla ki bango ete. Bobota kampe boza la nakobota mingi. Pe botandi sa mokilimpe bocha yango nanse na bino. Pe boza la nabokonzi na likolo, nandisi na mai. Pe nandeke na likolo. Voyez la juridiction que Dieu a confiée à l'être humain. Tout se tourne autour de la terre. Là, il l'amène dans le ciel visible, il lui donne la domination sur les oiseaux du ciel. Mais tous ces oiseaux du ciel là, après avoir voltigé et fait leur tour dans les cieux, ils finissent par se poser sur la terre. Ils n'entrent jamais dans le ciel invisible de Dieu. Ils font le tour dans l'espace visible et finissent dans l'invisible. Que l'homme voit. Il y a des luminaires, il y a la lune, il y a le soleil, il y a les étoiles, il y a les astres. Voilà. Après, ils se posent sur la terre. Il faut pour chercher leur nourriture ici. Et Dieu dit, vous dominez les oiseaux du ciel. Vous dominez les reptiles de la terre. Vous dominez tout animal terrestre. Assujettissez la terre. Et dominez la terre. Donc les cieux de mer sont domaine réservé. Je dis sincèrement amen. Le plan de Dieu est là, hein? De la création jusqu'à présent. Je vous ai dit que la terre est créée unique. Mais si jamais vous voyez mentionner la terre au pluriel de terre, c'est pas qu'il y a plusieurs planètes de terre, mais ce sont les portions de terre ou les parcelles de terre. Ici, par exemple, dans la promesse de Marc, chapitre 10, le verset 28 à 30, Le Seigneur Jésus se préparera d'ici ici. Il y a la conversation avec Pierre l'apôtre. Il s'est mis à le dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Donc les terres qui appartiennent à lui, qui sont de lui, ses terres, les portions ou les parcelles de terre identifié en son nom. Mais il n'est pas le seul propriétaire sur la terre. Tout ce qu'il a laissé, ça peut passer à quelqu'un d'autre. La terre est unique, mais le côté plusieurs parcelles, plusieurs fonctions. Et elles sont identifiées par les concessionnaires, par les propriétaires. Les okay. Nazali koloba na bino solo ete soki motonani kitindako soko bandeko mibali soko bandeko basi soko mama soko tata soko bana soko bilanga to mabele na ye pona ngai voyez frère bomoni bandeko et dit ça ici verset 30 ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons des frères, des sœurs, des mères, des enfants, attention, et des terres, dans le siècle présent ici. Vous recevez ce que vous avez abandonné à cause de l'évangile. Même les terres, c'est-à-dire les parcelles de terre, ou les portions de terre, ou des concessions de terre. Et vous les aurez, mais avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Alors, quelles que soient les terres que Dieu peut vous donner, ou les terres dont vous pouvez jouir en tant que propriétaire concessionnaire. Restez humble, ne tombez pas dans la cupidité qui est une forme d'idolâtrie. Dans Luc au chapitre 12e ici, le Seigneur a dit ceci. Verset 13. 16. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Voyez toutes ces guerres, et même des tueries, même à l'est du pays. Les gens se disputent les terres, hein? Mais non pas que la terre devienne multiple, mais ce sont des portions de terre qu'ils veulent conquérir, qu'ils veulent utiliser à leur mission, qu'ils veulent s'approprier. Et pour ça, ils vont jusqu'à tuer les semblables. Ne faites pas ça, Dieu a dit, tu ne jouais la point. Dieu est le propriétaire de toutes choses, demande-lui, il peut te donner. Des portions, il peut t'en donner. Des portions de terre, même des nations, il peut te donner pour l'héritage. Même des portions de terre à la dimension des territoires d'une nation. Dieu peut t'en donner, toi, son citoyen. Il a dit, demande-moi, et je te donnerai les nations pour l'héritage. Quand tu viens réclamer que l'espace sous mes pieds est petit, Dieu peut élargir l'espace. Mais c'est lui, Dieu, qui donne la terre au Fils de l'homme. Les gens, au lieu de prier, ils veulent s'encrétiver, s'encrétiver. La violence appelle la violence, et celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Venez à Dieu, il a tout disposé pour vous. Demandez-lui, il vous donnera les meilleures richesses. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fera suivre d'aucun chagrin. Et Dieu te donne ce que tu dois recevoir. Ne convoite pas ce qu'il y a autrui. Tu vas devenir un Caïn pour ton semblable. Mais tu ou pas ton frère. Va à Dieu, il va te donner. Va auprès de Dieu, il te donnera. Même les bénédictions du ciel. Amen. Même une grâce, une faveur du ciel. Amen. Il peut la faire à qui il voudra. Amen. Voyez, Jésus lui répondit verset 14. Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Qui m'aurait établi liquidateur familial de votre héritage? Vous venez m'associer, moi, serviteur de Dieu, pour faire de moi liquidateur de votre famille? Qui m'a établi tel? Jésus savait qu'il n'avait pas cette qualité de par les lois des humains. Il était au service de Dieu, ne devait dire que la vérité s'arrêtait là. Qui m'a établi pour faire vos partages? Nani? Vous devenez votre juge familial. Vous avez les affaires sans famille. Les affaires de Dieu, traitons ça par la parole. Pour le royaume, traitons avec la parole. Êtes-vous là? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. Votre sécurité n'est pas dans vos biens. Si seulement la vie d'un humain dépendait de ce qu'il possède, alors ce qu'il possède des richesses ne peuvent pas mourir, ils auraient la vie éternelle. La sécurité est en Dieu seul. Il est le Dieu des promesses pour ton âme. Et la Bible dit que sa fidélité est un bouclier. Lorsque Dieu soit fidèle à ses promesses, voilà les boucliers qui protègent le croyant. Dieu te gardera selon ses promesses. Et le bouclier de Dieu est puissant. Le bouclier de Dieu est fort. C'est lui qui veille sur Israël, ne sommeille ni ne dort. La fidélité est un bouclier d'Israël. Parce que tu crois sa mot à mort, comme on l'a entendu hier, j'attends sa promesse. Et dans la promesse, c'est Dieu qui a ta sécurité. Et Dieu, quand il promet, réalise toujours. La fidélité de Dieu envers ses promesses est un bouclier, c'est une cuirasse sur son chemin, à ta vie. Alors, ne devenez jamais avare. Soyez humble. Parce que ce que vous gérez, vous le laisserez un jour et Dieu déterminera qui prendra la relève. Et là, il prend l'exemple sur verset 16. Il leur dit, cette parabole, il dit, les terres, pas la terre, mais les terres d'un homme. Voyez, les terres plurielles par rapport à un concessionnaire, à un propriétaire, à un occupant, il dit les terres d'un homme. Il s'agit donc des parcelles de terre, des concessions de terre, des portions de terre, mais tirées de la terre que Dieu a créée qui est unique. Ce qui va le bien, ma belle est comme une mingouana, les alitéités, ma belle est oya kelami, ma belle est kelami, les aïe bobele moko, kasi ma belle oya ebele, azal kolobela oya ezalinde, babilanga ba mapango, babiloko ya moutou, azakinango ebele. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Voilà, C'est juste pour illustrer cette pensée. Lorsqu'il s'agit de terre plurielle, ce n'est pas que Dieu a créé plusieurs terres, mais il s'agit des portions de la terre, des parcelles de terre, des concessions de terre, des zones délimitées de la terre qui peuvent revenir à un propriétaire, à des propriétaires, à des héritiers ou je ne sais à qui. Ma bongo, alors je réponds à côté, c'est bobelé moi les canici. Oh oui, à côté c'était ma belle zambé, à ça la qui est allé caler bobelé mon cou. Ah bah le bimba, ma belle belle bouille, et ça la qui est côté les saka. Bitani na bitani, ma belle mutu, à côté bonjour. Bah ma pango, bah bilopo, ma belle à quoi ça le là. Oh oui, à mutu bonjour, à bat bonjour. Oh, bah na bakitani na bonjour, à bilopo ouana. Que Dieu soit béni. Alors, nous devons comprendre ces choses et garder la foi en Dieu. Avoir la crainte de ce Dieu infiniment grand et convertir et venir à lui pour tout besoin. C'est important. À telle fois que Frère Branham a fait une prière ici, et j'aimerais illustrer pour comprendre ces choses dont nous parlons ici au sujet de la terre. Dans le sermon Jéhovah-Jiré, c'est le Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Après trois soirées où j'ai essayé à ma pauvre manière d'illettrer, étant un illettré, j'ai essayé de tout mon cœur, Seigneur, d'expliquer que tu es toujours le grand Jéhovah. Et que ta bonté et ta miséricorde descendent confirmer que j'ai dit la vérité selon laquelle nous sommes au temps de la fin. Seigneur, je t'en prie, ne laisse aucune personne qui est dans la présence divine avoir à souffrir. Souffrir de quoi? Souffrir la séparation d'avec Dieu. Laisse que ton âme soit incluse dans cette prière. Que ceci arrive, que cela arrive, mais pas la séparation d'avec Dieu. Pas manquer Dieu définitivement. Non. Que je marque les biens de la terre, les portions de terre, les parcelles de terre, les maisons de la terre, les biens de ce monde, mais je ne manque pas Dieu. Je veux Dieu tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Ne laisse qu'aucune personne qui est dans la présence divine avoir à souffrir la séparation éternelle pour aller dans un enfer du diable qui n'a pas été préparé pour eux, mais plutôt pour le diable. Puisse-t-il maintenant dans la présence du Saint-Esprit ne pas choisir de continuer et aller dans l'affaire du diable, mais puisse-t-il venir au ciel de Dieu. Il a donné la terre au fils de l'homme. Et le même Dieu annonce qu'il peut vous multiplier des faveurs. Donc même si les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il peut vous accorder une faveur, vous avez une place au ciel. C'est une faveur de la part de Dieu. Vous étiez fait pour la terre, mais Dieu peut exceptionnellement vous accorder une place au ciel. Apocalypse 19, le verset 7 dit, réjouissez-vous cieux, et vous les habitants des cieux, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est elle-même préparée. Les noces auront lieu où? Dites-moi, cher ami, les noces de l'agneau en question ont lieu sur la terre ou dans les cieux? Et qui y seront? Heureux ceux qui sont invités au festin de noces. Les habitants de la terre. Mais qui reçoivent l'invitation pour aller au festin de noces dans les cieux. Les cieux sont exclusivement réservés à l'Éternel. Mais Dieu vous y invite. Ne voulez-vous pas laisser moi ça? Dites-moi, vous n'êtes pas sur le thème de l'Yango. Il vous donne une part là-bas. Et ça va passer de moi, ça du coup. Il dit, venez, voyez, vous allez me. Et pour ça, que les cieux eux-mêmes se réjouissent. Que les habitants des cieux se réjouissent. Car l'épouse de l'agneau s'est elle-même préparée pour participer au festin de noces dans le ciel même. Une telle faveur ne peut être que sujet de joie et d'allégresse. À moins de ne pas avoir compris que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais qu'il a donné la terre au fils de l'homme. Il a donné des portions à celui-ci, à cette famille, à cette famille. Mais au-delà de ça, vous donnez une faveur dans les cieux. Que tu occupes une place dans les cieux invisibles. Tu vas fendre, traverser le ciel visible jusqu'à laisser le ciel visible derrière toi. Entrer maintenant dans les cieux invisibles. Qui héberge le Dieu invisible. Jésus en revient, il nous attendra dans les airs. Les airs qui sont dans l'étendue du ciel visible ici. C'est là qu'il va s'abaisser pour nous appeler. Et nous irons à sa rencontre là, dans l'étendue du ciel visible ici. Mais de là maintenant, il nous conduira dans le ciel invisible. Pour participer au festin de noces, là dans le ciel de Dieu. La bombe, yes, nous sommes en train de faire. À cause de la piscine, alors, au lieu d'aller vers l'enfer du diable qui n'a pas été préparé pour toi, voici, viens au festin de noces que Dieu a préparé pour toi. Amen. Fais les choix, les bons choix maintenant. Amen. Reçois l'invitation par le message. Amen. Ne doute pas du message, crois le message dans de la fin. Amen. Et puisse-t-il maintenant dans la présence du Saint-Esprit ne pas choisir de continuer et d'aller dans l'enfer du diable? Mais puisse-t-il venir au ciel de Dieu? D'autres choses sont apprêtées pour eux. Ils les attendent. Dieu a apprêté toutes choses là-bas et ces choses-là les attendent. Ça les attend. Des choses déjà apprêtées dans le ciel de Dieu. Mais qui attendent ceux-là qui choisiront de se détourner du chemin de l'enfer pour suivre le Saint-Esprit de Dieu, pour suivre Christ et son message et être prêt pour le ciel. L'invitation qu'ils reçoivent maintenant C'est le Saint-Esprit qui parle à leur cœur. Laisse-les venir. Seigneur, te confesser et confesser leur incrédulité. Implorer ta miséricorde. Et ensuite être guéri, guéri les malades. Et guérir les affligés qui sont au milieu de nous. Par la prière pertinent, je vous imagine. Dieu qui fait pourvoir à tous les besoins. Dieu qui a promis de vous multiplier ses faveurs. Et qui peut même vous donner une place dans le ciel de Dieu. Et tu es capable de le faire. Oui, nous l'avons entendu mercredi. Christ Jésus est entré là au ciel, derrière le voile, comme précurseur pour nous. Dans le ciel même, comme précurseur pour nous pluriels, pas pour une seule et unique personne, pour un seul et unique prophète. Mais Christ a versé son sang et il est entré au ciel avant nous pour nous préparer une place. Il avait dit dans Jean 14, là au verset 2 et 3, voyez, non, si vous commencez au verset 1 jusqu'au verset 3, que votre cœur ne se trouble point et qu'il ne s'allait larme point. Croyez en Dieu. Croyez aussi à moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Qu'est-ce qu'il a menti? Il a dit clairement qu'il partait nous préparer une place dans la maison de son Père. C'est la maison céleste. Dans les cieux invisibles là-bas. Ça, c'est le don de sa grâce à ton âme. C'est une faveur pour les humains. Pour le Fils de l'homme à qui fait grâce. Et nous remplissions l'oseillant encore si nos yeux étaient par chemin. Si chaque tigre était une plume, ou était un bout, était un clivant, écrit, Yeah. Pour les fils de l'homme, pour les fils de l'homme, pour le bourg divin qui apporte la grâce, guédant. Aux descendants perdus de l'homme. Non seulement ils étaient perdus et disqualifiés, mais Christ vient comme sauveur et va leur préparer la place au ciel. De l'enfer plus bas de la perdition, il vous amène au plus haut des cieux par une faveur exceptionnelle, sujet de grande joie. Que le nom de Jésus soit béni dans votre âme. Il a battu un grand travail pour son âme. Il va te voir héritier dans le ciel. Dans le royaume. Le royaume des cieux. Réservé et promis au pauvre en esprit. Dans les cieux qui sont les cieux de Dieu. Mais le royaume des cieux là-bas, gloire à Dieu. Dans les serments faits, il vous dira. Péché le 22 juillet 1954. Abraham, ici, paragraphe 4. Faites tout ce qu'il vous dira. Le 22 juillet 1954. Le paragraphe 4. Donne un exemple du frère Giacomo. Si vous ce qu'il espère pour lui et pour lui-même, Branham. Frère Giacomo. Beaucoup d'entre vous ont déjà fait sa connaissance. C'était un théologien, hein? Un docteur en théologie. Mais un frère qui s'est attaché à moi comme un véritable frère. Je vous assure, frère Moore n'est pas vraiment du genre à se présenter. Ça lui importe peu d'être vu. Ce qui n'est pas du genre quand il est là, tout le monde doit savoir qu'il est là. Il doit faire du bruit, s'agiter, lever les doigts. Non. Discret. Mais avec un grand diplôme. Ça lui importe peu d'être vu. Soyez humble. Les humbles de cœur hériteront la terre, nous avons dit. C'est difficile de l'amener à se lever même pour prêcher dans l'île des règnes. Mais c'est un érudit, un frère, un diplomate, un prédicateur, un véritable frère, c'est ce que notre frère Jacques Moore de Chivepo, en Louisiane. Frère Jacques Moore et moi, Jacques Moore, nous sommes déjà passés côte à côte par des dangers. Des épreuves et des pièges. Et que je me sente bien, que j'aie raison, que j'aie tort, peu importe ce que c'est, Jacques Moore est toujours mon ami. Et Jacques Moore, tant que nous sommes mon ami. Que frère Branham ait raison ou qu'il ait tort, qu'il se présente bien ou qu'il soit mal portant, et Jacques Moore, un vrai frère attaché à lui. Et puis il dit, c'est un vrai ami. Alors, tout le monde peut être à vos côtés lorsque la foule est avec vous. Mais attendez que vous soyez seul. C'est à ce moment-là qu'un véritable frère se tient à vos côtés. Quand tout le monde va vous huer et vous rejeter, ceux qui sont vrais amis se resserreront plus de vous. Voyez? Comme il est écrit dans les proverbes, l'ami aime en tout temps et au jour du malheur, il se montre un frère. Méfiez-vous des profiteurs qui se font à tort vos amis. L'ami, c'est celui-là qui aime en tout temps. Et aujourd'hui, le malheur vous frappe, il se montre un frère pour vous assister. Et frère Jacques a démontré qu'il l'est. À travers de nombreuses batailles où il a été avec moi. Et ce soir, j'aime frère Jacques d'un amour chrétien éternel. Je m'espère pour lui-même, et pour frère Jacques Mou. Des amis comme ça. Sur cette terre et de vrais frères. Et un jour glorieux, je m'attends à être dans un ciel de Dieu. Moi, Branham. Il a dit dans mon ciel à moi. Il n'en a pas. Nous n'irons pas au ciel de Branham. On les dit ce soir, on les répète. Nous-mêmes, Branham voulait aller au ciel de Dieu. Je m'attends à être dans un ciel de Dieu. Avec lui, Jack Moore, ainsi qu'avec tous les autres. Avec frère Jacques Mou, son vrai frère, un vrai ami. Et lui-même, William Branham, notre frère. Non seulement les deux là, et aussi tous les autres qui s'attendent aux faveurs de Dieu. Ceux qui sont de l'épouse de Christ. Ils veulent participer au festin de noces de l'agneau dans les ciel. Branham dit avec tous les autres, nous voulons tous nous retrouver dans le ciel de qui? Ce mensonge qui sillonne et qui est avalé avec de gros amen. Au contraire, c'est vous qui irez en affaire. Vous intimidez les gens là. Continuez à jouer. C'est le ciel de Dieu. Où Branham lui-même doit aller. Ainsi qu'avec tous les autres. Même moi, j'espère être avec eux là. Avec frère Branham et les autres, mais dans le ciel de Dieu. Toi aussi, tu devrais avoir la même espèce. Parce que tu ne pries pas en vain, hein. On n'a pas pris ce message en vain. C'est une invitation au festin de noces. Dans le ciel, quand la dernière bataille sera livrée, la fumée sera dissipée, les armes seront entassées, les bibles seront fermées, la dernière prière sera dite, les tables seront sorties, et nous serons tous là au souper des noces. Ah oui, l'espère s'est ouvert là. Nous serons tous cela au souper des noces. Nous n'allons pas au ciel par la curiosité de découvrir le ciel, mais nous y allons dans un but, et c'est pour le festin des noces. Mais après ça, nous reviendrons sur la terre. Amen. Parce que les cieux sont les cieux de l'éternel. Il a donné la terre au fils de l'homme. Amen. Si, maintenant que Branham espère aller là-bas pour le but ici, ensemble avec tous les rachetés que le Seigneur Jésus est venu racheter. Bon, maintenant vous dites que nous devons aller dans le ciel de Branham. Quand le festin de nous sera fini, que deviendra le ciel de Branham? Et nous espérons aller là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous, mon bébé? Nous, mon bébé. Comment peut-être ridicule vraiment? Et puis après ça, on s'appelle aigle. Sans vision. Un aigle sans vision, qui ne voit pas loin, qui est dans les sensationnels en train de dire des choses pour faire de l'impression. Zokande na simana makamuzi nchuko mbenga tuza mpongo mpongo ni muna kama kasi musiko na simana mbenga mpongo mbele na kutu tukaya pampama na kwayeba tepwete na simana elambu tukumenda wati ike iloba miyete awa ndi tukuzunga na babile pisema ibiso mbongo sogi yete simana elambu lola lo ya branami kutika la wapi poe mbongo salakoni nous serons tous là au souper de noces. Et ce sera un moment merveilleux. Non pas une éternité, mais un moment. Oh. J'attends impatiemment cela. Ce moment-là. C'est une période de temps. Bélinité. Et après ça, ça passera. Êtes-vous là? Amen. Comprenez ça. Nous n'allons pas au ciel de Branham. Mais nous irons au ciel de Dieu. Et précisément pour le souper de noces. Ce sera un moment merveilleux. Maintenant vous allez au frère David. Maintenant, et s'il y a une prédication, s'il y a une, le temps est fini. Prédication est finie, mais le temps est fini. Maintenant, vous voulez nier la prophétie? Je n'ai ni aucune prophétie, j'enseigne la prophétie. Revenons prochainement pour la suite. Et dit que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons-nous de vous pour la prière maintenant. Je m'apprête la robe des ciels, nouvelles autres. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours. Place-moi, Seigneur, au lieu pur. Enlève-moi. Lève-moi, Seigneur. Je fais ce que j'appartienne. En parlant foi, les plateaux détiennent la plus haute peine. Jamais trouvée. Lâche-moi, Seigneur, au lieu plus. Mon Dieu, lève-moi, lève-moi, Seigneur, que je maintienne par la foi sur les plateaux du ciel la plus haute. Jamais trouvé. Lâche-moi, Seigneur, oh Dieu, oh, mon cœur ne fait point pour oh, donne-le, et pour sa patte, faites-le, oh, il t'apporte. Je préveille dans le lieu plus. Toi-même, lève-moi, lève-moi, Seigneur, que je m'inquiète par la foi sur le plateau du ciel la plus haute. Jamais trouvé. Laisse-moi, Seigneur, oh Dieu, plus. Lève-moi, lève-moi, Seigneur, que je me tienne, oh, par la foi sûre, que ta tête tienne la plus haute. Jamais sommeillé, lâche-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je veux ta tête, dès le sommeil, et voir les larmes, voir éclatante, avant de voir le ciel, je prie. Seigneur, mène-moi en lieu pur. Toi-même, lève-moi, lève-moi, Seigneur. Un jour, ma terre, par la foi sûre, maître de tes yeux, Dieu céleste, n'a plus porté. Jamais trouvé. Laisse-moi, Seigneur, au lieu pur. Mon Dieu, lève-moi, lève-moi, Seigneur, un jour, ma terre, par la voix sûre, et notre Dieu, c'est la plus haute. Jamais trouvé. Laisse-moi, Seigneur, au lieu de plus. Oh, n'est-ce-là, n'est-ce-là, amène à tes mains, en avant des murs, connais-le comme on se casse, on se casse, et qu'on vainquant, quand l'on est mangaillé, bien-aimé, notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant et Souverain, Dieu Omniscient et Infiniment Grand, entendre l'Évangile prêché ce soir, nous réalisons combien tu es infiniment grand. Omniscient. Incomparable et inégalable. Tu es Dieu depuis l'éternité. Et tu le demeureras à jamais. Rien ne changera ce que tu es. Multiplie-nous, Seigneur, tes faveurs. Bénis parmi nous ceux qui te craignent. Confirme la promesse et bénis ceux qui te craignent. Bénis dans cette église ceux qui te craignent. Multiplie-nous ses faveurs. Selon ta promesse que nous répandiquons. Bénis les petits et les grands. Bénis-nous et nos enfants. Il a promis, multiplie ses faveurs. À nous et à nos enfants, Seigneur. Que ta fidélité soit effectivement un bouclier. Et une cuirasse pour nos personnes. Pour nos vies sur cette terre. Brise l'incrédulité. Nous confessons notre incrédulité. Nous confessons notre doute. Nous confessons nos péchés, Seigneur. Dans lesquels nous pensions des fois tes limites. Mais tu es infiniment grand. Nous entendons que tu es suprême. Nous entendons que tu es incomparable. Maintenant, prends nos cœurs, prends nos personnes. Et tu les dans ta main, Seigneur. Ta main qui est infiniment grande. Il a pris les dimensions des cieux. Il a ramassé la poussière dans ta pomme. Et toute la terre. Il voit les humains habitants de la terre comme des sauterelles. Qui sommes-nous vraiment devant toi? Pour que tu nous formules des promesses si précieuses. Jusqu'à la faveur d'être participants au festin de nos. Tu nous envoies cette invitation. Pour le festin de nos élagos. Dans le ciel même. Où tu es allé nous préparer une place. Oh Dieu. Révèle-toi chacun. Brise tout orgueil. Révèle-toi chacun. Que nous ayons l'humilité du cœur. Révèle-toi chacun. Qui ait la nouvelle naissance au nom de Jésus. Révèle-toi chacun. Qui ait le baptême du Saint-Esprit de l'âme. Révèle-toi Seigneur. Fais-nous si petit que ça. Fais de nous pauvres en esprit. Nous cherchons le royaume des cieux. Le baptême du Saint-Esprit de l'âme. Exauce nos prières. Guéris les maladies. Sois Jéhovah Jireh. Sois aussi Jéhovah Rapha. Guéris les affligés parmi nous. Et donne force à ceux qui s'affaiblissent. Ramène les rétrogrades sur les droits chemins. Ceux qui n'ont plus ni profondeur ni amour de Dieu. Même des frères qui avaient pris l'engagement à cet endroit. Même des sœurs qui avaient pris l'engagement de bataille. D'autres ont dévié à cause de l'amour des choses et du monde. À cause des intérêts charnels. Oui. Mais tu peux les ramener, Seigneur. Visite-les encore une fois. Rappelez l'engagement de leur cœur. Prie devant Dieu et les témoins de cette église afin d'avoir un cœur correct, un témoignage de vie correct dans la maison de Dieu ici parmi nous, avoir une bonne réputation. Touche ce cœur et ramène les rétrogrades qui ont emprunté le chemin de l'enfer. Des fois sans les savoir ni les vouloir. Adoptant les attitudes des perdus. Qui ne s'intéresse plus à Dieu. Ni au culte. Aux choses de la maison de Dieu. Devenu froid comme des plafonds. Indifférent pour faire autre chose aux autres cultes. Seigneur, tu es capable de les ramener. Réclamons leurs âmes parce que sont nos frères ici. Réclamons leurs âmes parce que sont nos sœurs ici. Redonne à chaque âme la sudité au culte. La régularité au culte. Reverse dans le cœur l'amour de Dieu. L'amour des choses de Dieu, l'amour pour le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions et pour ta gloire. Amen. Veuillez vous asseoir dans les précieux noms de notre Sauveur Jésus-Christ.